Bonjour et bienvenue à la méditation du tapis volant. Commence par trouver une position confortable, assise ou allongée. Ferme les yeux afin de rentrer à l'intérieur de toi. Et ferme la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Deviens complètement immobile. La seule chose qui bouge en toi est l'air qui entre et sort de tes narines. Observe ta respiration. Remarque comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort. Sans forcer, tâche de ralentir ta respiration de telle sorte qu'elle devienne comme un tout petit filet d'air qui vient te caresser à l'intérieur en rentrant et sortant de ton corps. Progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince, ta respiration de plus en plus lente. Essaye de ressentir tous les points de ton corps qui sont en contact avec un élément extérieur, tel que la chaise sur laquelle tu es assis, ou le lit ou encore le sol. Si pendant la méditation, tu es pris par des pensées autres que celles requises par l'exercice, c'est normal et c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air qui entre et sort de tes narines. Imagine que tu as un tapis volant. Au début, tu n'oses pas trop monter dessus. Mais finalement, tu te lances. Et tu découvres que ce tapis est doublement magique. Non seulement il vole, mais en plus il t'emmène vers des moments heureux de ton passé. D'ailleurs, il est en train de t'amener vers un moment dans ton passé où tu as mangé quelque chose d'incroyablement délicieux. Choisis un de ces moments dans ton passé. Maintenant, tu es en train de survoler ce moment sur ton tapis volant. Regarde en bas et vois l'endroit où tu te trouves. Tu vois aussi peut-être des gens autour de toi. Peut-être même que tu vois quel genre d'habit tu portais. Et puis bien sûr, tu vois ce mets délicieux que tu t'apprêtes à mettre dans ta bouche. sais comme ça va être bon, alors tu l'observes avant de le manger. Et puis peut-être que tu le renifles aussi. Maintenant, rappelle-toi du goût que tu as ressenti. Et essaye d'appeler dans tout ton corps la sensation de joie que tu avais à ce moment-là. Maintenant, ton tapis volant t'emmène à un moment de ta vie où tu as vu quelque chose d'incroyablement beau. Quelque chose de si beau que ça a laissé comme une empreinte sur toi. Il peut s'agir d'un paysage, d'un tableau, d'un visage. Choisis une de ces choses qui t'a ému. Maintenant, tu es en train de survoler ce moment sur ton tapis volant. D'en haut, tu vois l'endroit où tu te trouvais à ce moment-là. Tu vois aussi les gens autour de toi. Peut-être même que tu vois quel genre d'habit tu portais. Et puis bien sûr, tu vois cette chose merveilleuse face à toi. Tu sais comme c'est rare de voir quelque chose d'aussi beau, alors tu prends le temps de l'observer, de t'en imprégner, afin de ne pas l'oublier. Maintenant, appelle en toi l'émotion que tu as ressentie à ce moment. Et essaye d'appeler dans tout ton corps la sensation de magie que tu éprouvais à ce moment-là. Enfin, pour le dernier stop de ce tour de tapis volant, va à un moment de ta vie où tu as été complètement transporté par de la musique. Peut-être que c'était une fête, ou bien un concert, ou simplement la première fois que tu as entendu une certaine chanson. Choisis un de ces moments de bonheur musical. Maintenant, tu survoles ce moment sur ton tapis volant. D'en haut, tu vois l'endroit où tu te trouves. Tu vois aussi les gens qui sont autour de toi. Peut-être même que tu vois quel genre d'habit tu portais. Et puis bien sûr, tu entends cette musique qui te transporte. Appelle en toi l'émotion que tu as ressentie à ce moment. Et essaye d'appeler dans tout ton corps la sensation de légèreté que tu éprouvais à ce moment-là. Quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux pour progressivement sortir de la méditation. Prends doucement conscience de tout ce qui t'entoure, des couleurs autour de toi. Les bruits ambiants. Le poids de tes vêtements sur ton corps. J'espère que ce moment de vacances mentales t'a été agréable. À bientôt.